écoutez la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Certains habitants de la colline Gahahe apprécient le paiement des indemnités et les travaux de construction d'une route reliant la route nationale numéro 1 Bujumbura-Bugarama et la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza. Cependant, leurs voisins de la colline Tenga regrettent qu'ils n'ont aucune information alors qu'ils sont également touchés par de tels travaux. Et personne n'est autorisé à se rendre dans la réserve naturelle de la Kibira, côté Mabayi, à partir de ce mardi. Une des mesures prises par le Premier ministre Bondé, Gervain de la Kobuta, dans une réunion tenue dans le but de renforcer la sécurité dernièrement perturbée par les hommes armés. Et le gouverneur de la province Ngozi met en garde tous les commerçants du sucre qui spéculent sur les quantités. Vous entendrez les précisions. Voilà pour le sommaire. Eiku Imana assure la mise en onde. Jean de Dieu Irakoze à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, certains habitants de la colline Gahahe apprécient les travaux de construction d'une route reliant la route nationale numéro 1 Bujumbura-Bugarama et la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza au moment où ils s'allient qu'ils ont déjà reçu des indemnités relatives au traçage de cette route. Leurs voisins de la colline Tenga, Serure Gihora, déplorent qu'ils n'ont aucune information sur les indemnisations et ces derniers demandent d'être régularisés. Reportage signé Jean-Marie Mayong. Cette route en cours de construction va passer par la colline Gahahe, où quelques maisons ont été déjà démolies après avoir indemnisé les propriétaires des parcelles au moment où leurs voisins de la colline Tenga, où va traverser la route, ils n'ont aucune information sur les indemnités. Ils disent qu'ils ont été obligés de démolir eux-mêmes leurs maisons pour faciliter les travaux de construction des caniveaux. Ils signalent que les autorités ont promis de faire la réhabilitation d'une partie de leurs parcelles touchées par ce projet. Le problème est qu'ils s'opposent et de savoir le ressort de ceux qui ont des petites parcelles qui ont été démolies en toute partie. Ils sont venus nous enregistrer et nous ne savons pas si nous serons indemnisés. Depuis qu'ils ont fait l'enregistrement, ils ne sont pas revenus et nous n'avons aucune nouvelle. Ces habitants demandent au gouvernement de voir comment les régulariser afin qu'ils continuent à vivre. Nous demandons au chef de l'État qu'il fasse pour nous ce qu'il a fait à nos voisins au lieu de passer la nuit dans la rue. Le projet de développement, c'est pour nous tous. Ndiokubwayo Godefroy, chef de cellule Gihora, lui aussi apprécie le déroulement des activités, mais demande que le gouvernement trouve une solution à ceux qui ont perdu toute la parcelle. Le ministre nous a promis que celui dont la maison sera démolie, ils vont l'aider à sa réhabilitation. Mais la suite, on ne sait rien et on attend. Nous avons bien accueilli ce projet car on n'avait pas de bonne route. Nous demandons que la population soit indemnisée car ils vivent dans de petites parcelles. Il faut qu'ils aient de place pour vivre avec leur famille. Les travaux de la construction de cette route continuent comme nous l'avons constaté car les machines étaient déjà sur place. Comme l'indique le chef des travaux, aujourd'hui ils arrivent à 15% des activités et il y a un mois, ces travaux ont déjà commencé par la construction des caniveaux où vont passer les eaux. Merci Jean-Marie Mayonga. Personne n'est autorisé à se rendre dans la réserve naturelle de la Kibira, côté Mabayi, à partir de ce mardi. Une des mesures prises par le Premier ministre Bondé, Gervain de la Kobuta, dans une réunion de sécurité tenue à Mabayi dans le but de renforcer la sécurité dernièrement perturbée par les hommes armés dans cette commune. Outre cette mesure, des chefs de colline et zones qui n'ont pas participé à la dite réunion ont été limogés, n'est-ce pas, Alexis Ndairagis? Personne n'est autorisé à circuler dans la forêt de Mabayi. Les commerçants doivent annoncer la quantité de vivres vendus par jour à l'administration. À part cela, des comités de sécurité des commerçants, des chauffeurs de voitures, de transport et motos doivent être mis en place. Ce sont les mesures prises par le Premier ministre, Gervain de la Kobuta, dans la réunion de ce mardi à Mabayi, dans le but de renforcer la sécurité qui est perturbée ces derniers jours par les hommes armés dans la forêt de Mabayi. Le Premier ministre de la Kobuta a également indiqué que les policiers qui seront gouvernement Ensara Mabaye doit faire des rondes mixtes avec ceux qui faisaient déjà des rondes. Également, parmi les mesures prises, les chefs de colline et zone qui ne se sont pas présentés dans la réunion de ce mardi ont été suspendus. Le chef de zone Bruhororo a été arrêté sur place à l'administration communale. Il doit disposer des registre au chef de colline destiné à enregistrer les visiteurs qui seront annoncés aux forces de l'ordre à l'administration communale. Le premier ministre de Burundi a demandé à la population de dénoncer chaque fois les fauteurs de troubles. Également, a demandé aux autorités administratives et aux représentants des confessions religieuses de sensibiliser la population sur le renforcement de la paix et la sécurité. Depuis Mabayi, de la pointe Bitoke, Aristide Ndayiragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndayiragije et de Chibitoke, rendons-nous à Kayanza pour parler droits de l'enfant. Les habitants de la commune Muhanga s'insurgent contre le trafic humain des enfants qui se fait dans cette commune où les enfants sont déplacés vers la Tanzanie. Ils le disent après que ces derniers jours, l'administration a empêché les trafiquants de déplacer plus de 40 mineurs vers ce pays voisin. L'administrateur communal Muhanga tranquillise la population qu'il dirige que ce phénomène de trafic des enfants est en train d'être combattu par l'administration conjointement avec le comité mix de sécurité. Pourtant, Benoît Ndayizeye exhorte les parents à bien prendre soin de leurs enfants. Patrick Saint-Guillaume. Ces habitants de la commune Muhanga qui s'inscrivent en faux contre les trafiquants des enfants à cette localité disent que ceux qui pratiquent ce phénomène sont assimilés à des malfaiteurs du fait qu'ils trafiquent ces enfants à l'insu de leurs parents et que beaucoup d'entre ces enfants se rendent d'ailleurs en République de la Tanzanie après avoir abandonné l'école, ajoutait-il. D'autres indiquent que celui qui fait le trafic des enfants est un ennemi du pays qui freine non seulement le développement de cet enfant particulier, mais aussi celui du pays en général. Les habitants de la commune Muhanga demandent à l'administration communale de conjuguer les efforts avec toutes les parties prenantes en matière de la défense des droits d'enfants afin que ce phénomène de trafic des enfants soit éradiqué à jamais en cette commune. Au niveau de l'administration communale Muhanga, on tranquillise que conjointement avec le comité mixte de sécurité, on a beaucoup combattu le trafic humain qui se fait surtout aux enfants vers la Tanzanie. Pourtant, Benoît Ndayizeye, administrateur de la commune Muhanga, exhorte les parents à bien prendre soin de leurs enfants afin qu'ils participent activement dans la lutte contre le trafic des enfants à cette commune Muhanga. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. De Kayanza, rendons-nous à Ngozi où les commerçants du cycle qui tuent les quantités seront sévèrement punis. C'est là la mise en garde du gouverneur de la province Ngozi et du commissaire provincial de la police dans une réunion avec les commerçants de ce produit. Parmi les stratégies adoptées pour plus de transparence, les commerçants choisis à cet effet n'ont que 2 jours de collecte des quantités offertes pour les distribuer tous le même jour, ce jeudi. Apollinaire Mozagar. Dans une réunion de ce mardi, la décision a été que les 50 tonnes de sucre disponibles en province Ngozi soient dispatchées aux 9 communes et 10 quartiers d'Ngozi à raison de 2 tonnes par commune et quartier. Le gouverneur Emmanuel Nachosanze indique que les 12 tonnes restantes seront données aux orphelinats, congrégations, hôpitaux et autres bienfaiteurs qui prennent en charge des personnes vulnérables. Cette autorité a rappelé que le sucre est vendu dans un emballage de 2 kilos à raison de 3300 francs le kilo. Le commissaire provincial de la police Beaufort de Lelao met en garde les commerçants qui emballent le sucre le soir pour le vendre la nuit, comme ça a été le cas la fois dernière. Les consommateurs se sont lamentés qu'ils ont reçu 1,5 kg ou 1,8 kg au lieu de 2 kg normalement prévus. Pour diminuer ces grognes et rumeurs qui sont devenues monnaie courante à propos de la vente du sucre en Ngozi, la décision a été que ce sucre se vend le même jour dans tous les quartiers, c'est-à-dire jeudi à 10h pour le cas de cette semaine, en présence de l'administration et de la police. Emmanuel Nachonsa Sanze prévient qu'une petite irrégularité dans la distribution vaut le retrait immédiat sur la liste du commerçant concerné. Ngozi, Apone Mozagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. La mobilité et l'employabilité des jeunes sont les principaux moyens qui aident les étudiants de l'Université Polytechnique de Gitega à mieux se préparer pour leur avenir professionnel. Cet espace numérique est chaleureusement accueilli par toutes les couches sociales à Gitega vit son importance capitale. Et en cette deuxième journée de la caravane Burundi Union européenne, l'ambassadeur Claude Bouchou salue la considération des projets financiers par l'Union européenne à Gitega, Evariste Ndayishim, Evariste Ndikobanyang. Cet espace numérique, dit Ideas Box en anglais, est d'une importance capitale dans la mobilité et l'employabilité des jeunes une fois terminées leurs recherches scientifiques, explique Bougegene Terence, professeur assistant à l'Université Polytechnique de Gitega, animateur, coach et gestionnaire de cet espace. Les étudiants bénéficiaires de cet espace, ils trouvent des informations assez importantes sur monter les projets, comment gérer les entreprises, comment chercher les bailleurs de les projets, comment convaincre les bailleurs, je dirais, comment faire un pitch pour les projets et tout ça. Et il y a aussi notre partie qui parle sur la recherche d'emploi, comment faire les CV. Ceux qui ont déjà consulté Ideas Box à Gitega appellent ceux qui ne l'ont pas consulté de le faire car elle est d'une grande importance dans leur avenir professionnel et ne pas attendre d'être embauché par le gouvernement. Que ce soit le recteur de l'Université Polytechnique de Gitega, que ce soit le gouverneur de la province de Gitega, Vena Manelambona, tous saluent les projets financés par l'Union européenne et trouvent l'occasion de demander à l'Union européenne de continuer dans la même lancée et soutenir durablement le développement du pays. Claude Bouchou, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, lui aussi accueille à bras ouverts les appréciations des uns des autres à Gitega, satisfait par les actions menée au Burundi par l'Union européenne et préfère que les relations diplomatiques restent au bon fixe. Un nouveau projet de l'Union européenne, quand même de 36 milliards de francs, c'est un projet qui vise à moderniser les centres de formation professionnelle. En conclusion, je dirais que l'Union européenne considère l'éducation et la formation comme des fondements essentiels pour bâtir un avenir meilleur. Nous sommes résolus à continuer à accompagner les autorités administratives, institutionnelles, mais aussi académiques, et les jeunes du Burundi pour qu'ils puissent réaliser leurs aspirations et contribuer à l'épanouissement de leur pays. Depuis que cet espace numérique a vu le jour à l'Université Polytechnique de Gitega au mois de janvier 2023, a déjà vu la visite de 4732 personnes, parmi elles 890 filles et femmes uniquement. Le lancement officiel de cet espace numérique ce mardi, qui est le don de l'Union européenne, est l'un des projets réalisés en province de Gitega sur financement de cette communauté des pays européens et s'inscrit dans le cadre de la caravane de 6 jours Burundi-Union européenne lancée depuis ce lundi à Kayanza. Depuis Gitega, Evariste Ndikobanyanga, Radio Isanganiro. L'Union européenne et le Burundi, partageons les valeurs qui nous rapprochent. Et les habitants des localités concernées par le dénombrement pilote comptant pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours d'organisation sont appelés à répondre fidèlement au questionnaire du bureau central de recensement. L'appel est du directeur technique au sein de ce bureau, Pierre Claver Manirakiza. Il explique que cette phase vise notamment à tester tous les outils à utiliser lors du dénombrement principal ainsi que le niveau d'adhésion de la population. Je m'entretiens avec Louis. Nous sommes à la quatrième phase, parmi les 14 phases qui composent le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Nous sommes à la phase du dénombrement pilote, le dénombrement qui prépare le dénombrement principal que toute la population attend impatiemment. Quelle est la signification de cette phase dénommée dénombrement pilote? La phase du dénombrement pilote a des objectifs comme tester tous les outils qui ont été planifiés, qui ont été mis en place, qui seront utilisés lors du dénombrement principal. Et ce sera l'occasion aussi de tester le niveau de mobilisation sociale, le niveau aussi d'adhésion de la population, puisque nous voulons que la population adhère massivement à cette opération qui est en train d'être organisée dans les 3 provinces et qui ont été choisies comme échantillons. Quel appel lancez-vous par rapport à cette phase en cours? L'appel que nous lançons, c'est à l'endroit surtout de la population, c'est de réserver un accueil chaleureux et de répondre fidèlement aux questions qui seront posées par les agents du Bureau central du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Pierre Claver Manirakiza, il est directeur technique au Bureau central de recensement. Radio Isanganiro, chronique santé. La toux est un signe de plusieurs maladies au niveau de l'organisme. Le pneumologue pneumopédiatre François Ndikoumenayo explique que les causes sont multiples et variées. Il précise que pour arriver à un traitement correct, le médecin recherche d'autres signes associés à cette toux pour en savoir l'origine. Francine Ndéokoubgaïo. Le symptôme de la toux est souvent significatif d'une infection virale. Le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikoumenayo parle d'un signe révélateur d'un problème dans l'organisme humain. La toux, c'est un signe de maladie. Ça peut être des maladies de l'appareil respiratoire ou des maladies extra-respiratoires en dehors de l'appareil respiratoire. La toux, c'est un signe qui est connu de tout le monde depuis longtemps et qui traduit une expiration violente à glotte fermée, parce qu'il y a un problème de maladie quelque part dans l'organisme. C'est un signe qui révèle qu'il y a un problème au niveau de notre organisme. Ce phénomène naturel peut avoir de nombreuses causes et le traitement varie en fonction de l'origine. Les causes sont multiples et variées. Avant de savoir quelle est la cause, il faut savoir caractériser sémiologiquement la toux. Et c'est la caractérisation sémiologique avec les signes, la recherche des signes associés à la toux qu'on pourra arriver à poser le diagnostic étiologique de la toux et par conséquent instaurer un traitement correct qui soigne et la maladie causale et la toux. Le docteur François Ndikoumenayo souligne également que le changement météorologique peut s'accompagner par l'apparition des cas de toux. Parce que le changement météorologique s'accompagne par une pullulation des virus dans l'atmosphère, ce qui fait que nous inhalons pendant cette période ces virus et par conséquent nous développons des infections virales des voies respiratoires qui passent par une rhinite jusqu'à la bronchiolite ou bronchite. Et par conséquent, pendant cette période, on verra qu'il y a plus de cas qui des patients qui toussent, qui respirent mal, et cela apparaît sous un mode épidémique, c'est-à-dire on a plusieurs cas dans une communauté, je veux dire dans une classe, à l'école, dans une famille, c'est-à-dire quand il y a une cause virale, il y a en plus d'un cas dans la même famille qui a le même problème, ou bien dans une même classe, il y a plus d'un cas. L'exposition à la fumée du tabac en tant que fumeur actif ou en fumeur passif constitue aussi un facteur de risque qui expose les patients à des pathologies qui se révèlent par la toux. La toux peut se présenter chez l'adulte comme chez l'enfant et doit être prise au sérieux, quelle que soit sa forme, car les conséquences peuvent être graves. On y reviendra dans notre prochaine chronique santé. Et voilà, c'est par cette chronique santé que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui l'a mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Jean de Dieu Irakozi.